Lui t'arrête mais du matin. Il vient d'enfiler son jean. On est en direct avec Martin. En train de préparer les tartines. Pour sa femme et ses deux filles, il a pas perdu le fil, il sait que la vie est un combat et que chaque jour est un défi. Quand le présent nous sourit, on croit que tout est magnifique, mais bon l'avenir est incertain et pour certains il est maléfique. Là il est 8h57, et il vient d'enfiler sa veste. Il a pris les clés du 307, garé dans le quartier des abbesses. Il démarre, il embraye, il enclenche la marche arrière, un petit coup de baie dans le rétro. Il repart en première, deuxième, troisième, là son téléphone il sonne. En répondant à l'eau, il vient de tuer une personne. Et ouais, la vie elle est compliquée, y'a des hauts, y'a des bas. Alors faut profiter et vivre chaque moment comme il se doit. Et ouais, la vie elle est compliquée, non ne vous méprenez pas. D'ailleurs ouais, faut profiter et vivre chaque moment comme il se doit. Elle était belle et souriante, elle se prénommait Daphné. Chevelure blonde et bien brillante, les yeux d'un bleu qui te laisse en apnée. Lycéenne en terminale, scientifique. C'était une fille géniale, ouais une gentille fille. Tous les mecs de l'école, ils étaient loftels. Elle était plus dans ses bouquins que dans son fantel. Le chemin elle était si court, chez elle on pas eu. Suffisait de faire 400 mètres et traverser la rue. Mais un jour du matin, sur le passage piéton, une voiture la fauche, elle est morte sur le béton. Et voilà, bien est compliquée. Y'a des hauts, y'a des bas. Alors faut profiter et vivre chaque moment comme il se doit. Et voilà, bien est compliquée. Profiter et vivre chaque moment comme il se doit. La vie elle est dure, faut faire attention. Tu peux tout perdre par inattention. Mourir ou finir en détention. Te pose pas trop de questions. Et ouais, la vie elle est compliquée. Y'a des hauts, y'a des bas. Alors faut profiter.